Les frustrés, d'après Claire Bretéché. Mon cahier de résolution. Edwige rend visite à sa copine Solange autour d'un perrier rondelle. Edwige, quarantaine, belle mise en plis, jupe en tweed, bottes, Shetland, besace au pied du canapé. Solange, quarantaine, cheveux raides et longs, grosses lunettes, pantalon pattes d'éléphant. Tu sais, j'ai fermement décidé de faire du sport cette année. Justement, moi aussi. Si on en faisait ensemble, ça nous stimulerait. Ok. Alors, j'ai déjà recensé les meilleures piscines couvertes. Celle du centre américain a l'air pas mal. La natation, c'est extra. Cet été, avec la plage, j'ai presque perdu toute ma cellulite. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que la piscine, c'est embêtant pour les cheveux à cause du chlore et tout. Ça les met dans un état, c'est pas possible. Tu te retrouves avec une tignasse et plus des cheveux, c'est une botte de paille. Et puis en hiver, ça les rend électriques. Bah, faut mettre un bonnet, c'est évident. Oui. Les bonnets, je suis pas trop pour. Ou bien ils laissent passer l'eau, c'est de l'arnaque. Tu te retrouves avec des cheveux qui baignent au lieu d'être protégés. Ou bien ils sont hermétiques, mais ils t'arrachent les cheveux. Dans les deux cas, ça te fout ta mise en plis en l'air. Tu veux ressortir avec une tête convenable, il faut que tu apportes avec toi ton séchoir. Parce que dans les vestiaires, quand il y en a, ils sont toujours en panne. Et ton babilis. Oh, tu parles d'un déménagement. Bon, si je comprends bien, t'es pas pour la piscine. Et le tennis? Le tennis? Oh, j'ai toujours eu envie d'en faire. Le tennis, ça, c'est formidable. D'ailleurs, je me suis renseignée. Attends. J'ai dû noter ça. Quelque part. Tu sais, il y a les cours de la ville de Paris. C'est pas cher du tout. T'y vas le matin? Attends, je vais tout te dire. Tiens. Ah, voilà. Ah. Le tennis... C'est pas tellement efficace pour le haut des cuisses. Au contraire, ça fait vachement travailler les jambes. Tu cours sans arrêt. Oui, mais moi, je sais pas, j'ai une espèce d'arthrite de l'épaule. Ah bon? Et le karaté? Le karaté? Bah oui. Et puis, ça peut être utile, par les temps qui courent. Oh, tu parles. Moi, j'aime autant avoir une bombe lacrymogène dans mon sac. Je sais. On va faire du yoga. Du yoga? Mais le yoga, mine de rien, ça remuscle vachement. Marie-Paul s'est refait une sangle abdominale en 2 mois de cours. Oui. Je sais pas. Ça remuscle et ça décontracte vachement aussi. Ouais. Je sais pas. Quand même, il y a un côté hiératique qui m'énerve. Hiératique? Oui, tu sais, le rituel, la cérémonie, la concentration. Je suis pas sûre que ça agisse gravement sur la cellulite. Bon, écoute, faut absolument trouver une solution. Bon, écoute, c'est pas compliqué. Quoi que tu décides, je suis partante. La seule chose, c'est qu'il faut se renseigner. Ok, je me renseigne. Tu te renseignes et on se tient au courant. Non, le principal, c'est qu'on attaque le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Et à part ça, c'était bien tes vacances. Je est un autre. Moi, ce qui me tue... c'est d'être coincé comme ça dans ma peau. Je voudrais tellement en sortir. Je vous jure, c'est l'angoisse. Non, moi, pareil. Hein. T'as raison, Ernest, mais quelle angoisse. Guillette, tu me passes les cacahuètes? Par exemple, j'aimerais savoir quel effet ça fait d'être une femme. Oh là là! Non, je t'assure. Tiens, j'aimerais être à ta place. Mais tu te rends pas compte? Bah non, justement, je me rends pas compte. C'est ça qui est frustrant. Tu veux que je te dise? Moi, je peux plus me supporter, quoi. Je peux même plus me voir dans la glace. Ça te donne une idée, quoi. J'ai envie que d'une chose, être quelqu'un d'autre. Mais ouais, c'est exactement ça. Ce qui est affreux, c'est d'être seulement soi, quoi. C'est tellement limité. T'as raison. Quelle angoisse. Tu me passes les cacahuètes? Tiens, moi je voudrais être Lucien Le Mercier. Lui, je suis sûr qu'il a une vie extra. Ou peut-être un sage hindou. Ouais, bah alors moi, je voudrais être Gisèle Halimi. Hein. Ouais, alors là, je me vois très bien en Gisèle Halimi. Ou alors infirmière. Ah ouais, pas mal. Hein. Pas mal. Cela dit, si tu vas par là, moi je détesterais pas être Picasso. Ouais. Picasso, pas mal. Ouais, pas mal. Remarque, c'est plus possible, il est mort. Ouais. Et toi, Anna, t'aimerais être à la place de qui? C'est vrai, ça? T'aimerais être à la place de qui, toi? Moi? De personne. Moi, je suis bien comme je suis. Oh, le bol! Oh, le bol! Est-ce que je voudrais être à ta place? Ah non, c'est moi qui voudrais être à sa place. Toi, t'es déjà une femme. Ouais, t'as raison. Oh là, quelle angoisse! Oh! Tu me passes des cacahuètes? Les Frustrés, adapté de Claire Bretéché par Christelle Vlomser, avec Raphaël Ingoupillo, Sophie Arthur, Éléonore Jonquet, Clotilde Morgièvre, Benjamin Guillard. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Claude Nior, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.